Oui. Yes. Qui est-ce qui outrille qui réchisse à un pizza un pan à qui la feuille à l'aéroré un polosa qui takudisi sevgime mutlalına uçar. Yürün katva Gibe mutla Gibe mutlina.